Session de détente et de bénédiction. Donc, avant de commencer cette activité, je veux mentionner aux gens qui m'écoutent et qui apprécient les enregistrements que j'effectue au fil du temps et que je rends disponibles au public sur le web que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion sur l'Internet et vous allez pouvoir retrouver les informations nécessaires pour me faire parvenir une telle contribution en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui et on va commencer maintenant. Donc, je vais procéder une session de détente et de bénédiction. Dans un premier temps, je vais lire des phrases lentement de manière à favoriser un état de détente et par la suite, je vais procéder à des bénédictions. Donc, tout ça, ça va être fait à voix haute pour empêcher qu'il y ait des pensées intrusives qui viennent perturber la concentration pendant cette session. Il va être important de se concentrer sur ce qui est nommé pour en amplifier la perception. L'état de détente qui va être l'objet de la première partie de l'enregistrement vise à préparer un état interne qui va être calme et favorable à la réalisation de bénédictions par la suite. Les bénédictions visent à manifester des choses sur le plan physique en utilisant la puissance de la volonté. Les intentions de conscience ont de l'impact sur la réalité car la réalité n'est pas séparée d'elle, tout est lié. La conscience humaine interagit sur la réalité et la réalité interagit sur la conscience humaine. Donc, pour aller dans l'état de détente, je vous propose de vous asseoir confortablement dans un lieu où vous savez que vous n'allez pas être dérangé pour les prochaines minutes. Je vous propose d'aller à un endroit où vous allez vous sentir bien et qui est propice à la détente. Mes yeux sont fermés. Ma respiration devient de plus en plus calme et lente. Les muscles de ma mâchoire sont de plus en plus relâchés. Je sens maintenant qu'un état de détente s'installe dans ma mâchoire. Mon cœur bat à un rythme calme et de plus en plus lent. Je suis de plus en plus en paix. Ma main gauche s'avère lourde. Ma main droite est de plus en plus lourde. Mes deux mains sont maintenant de plus en plus lourdes. Je sens l'état de détente s'installer dans mes mains. Mon bras gauche s'avère lourd. Il s'avère de plus en plus lourd. Mon bras droit s'avère lourd. Mon bras droit s'avère de plus en plus lourd. Mes deux bras maintenant s'avèrent de plus en plus lourds. Je ressens de plus en plus l'état de détente qui s'installe dans mes bras. Ma jambe gauche s'avère lourde. Ma jambe gauche s'avère de plus en plus lourde. Ma jambe droite s'avère lourde. Ma jambe droite s'avère de plus en plus lourde. Mes deux jambes s'avèrent de plus en plus lourdes. L'état de détente s'est installé au sein de mes deux jambes. Mon ventre est calme. Mon ventre est de plus en plus calme. Les organes internes de mon corps sont de plus en plus détendus. Les organes qui composent mon corps sont de plus en plus détendus. Mon front est rafraîchi. Mon front est de plus en plus détendu. Je suis de plus en plus en paix. Mon corps est complètement détendu. Mon corps baigne maintenant dans un état de détente. Je vois maintenant apparaître dans le champ de ma conscience la couleur verte et elle me détend. Je vois la couleur verte de la nature qui me rend calme de plus en plus. Je sens l'énergie de la nature qui nourrit chacune de mes cellules. Je sens l'énergie de la vie qui restaure mes organes. Je sens l'énergie de la nature qui nourrit l'ensemble de mon corps. Je sens l'énergie de la nature qui détend l'ensemble de mon corps. Je sens l'énergie de la nature qui participe à mon état de détente. Une fois installé confortablement dans un état de détente, eh bien, je suis disponible pour réaliser des bénédictions dans l'optique d'utiliser ma conscience pour amplifier certains éléments dans la perspective de mon épanouissement personnel, donc d'utiliser ma volonté pour me faire du bien. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis mon système immunitaire. Je bénis mon système immunitaire pour le favoriser. Je bénis la longévité et la santé de mon corps physique. Je bénis la longévité et la santé de mon corps physique. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma joie de vivre.

à la conscience universelle. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis mon unité avec la conscience universelle. Je bénis mon unité avec la conscience universelle. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante au fil du temps. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante au fil du temps. Voilà ce qui termine maintenant cet enregistrement qui visait l'installation dans un état de détente et aussi à présenter des bénédictions qui ont été récitées de manière intentionnelle pour amplifier certains éléments avec l'usage de la volonté qui va agir sur l'univers, car l'univers n'est pas séparé du champ de la conscience. Et il est temps à présent pour moi de sortir de l'état de détente en ouvrant mes yeux, en reprenant progressivement contact avec mon corps. Et je me sens présent, ici et maintenant. En terminant, si vous avez apprécié écouter cet enregistrement que j'ai fait, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez retrouver des informations à leur sujet en bas de cet enregistrement audio. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.